Scellez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, j'arrive en force. Comme un tsunami, tsunami, tsunami, tsunami. Serrez les liens, tenez les biens, levez les poings, serrez les biens, j'arrive en force. Comme un tsunami. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Voilà, c'était cette semaine avec Ali. Et juste pour revenir quand même sur l'émission d'hier soir où on parlait des beatmakers, oui, on a fait quand même une grave erreur. Ouais, mais comme on dit, c'est le comment ça s'appelle, c'est dans l'album aussi, problème égale solution. On c'est a tourné la page, on a essayé de savoir réellement qui était beatmaker chez la gente féminine. Et heureusement, si on est rappelé aujourd'hui, c'est qu'on a une grosse pointure du beatmaking chez nos dames. Wallen. Et bah, évidemment, Wallen. Donc Wallen qui a produit son album. Qui a produit son album. Qui est présente sur la bande son. Miséricorde, qui est magnifique. Et qui est présente sur la bande son. Qu'Allah bénisse la France. Bénisse la France. D'ailleurs, j'ai fait l'ouverture de cet album. Donc voilà, un a cappella. Un a cappella, ouais, en ouverture de l'album et du film qui était sorti il y a quelques mois de cela, réalisé par Abdelmalik. Et c'est vrai, Wallen. Donc toutes nos excuses, Wallen. Voilà. Non, mais maintenant, l'erreur est réparée. Exactement. Beatmaker, nana, c'est vrai qu'Wallen a marqué sa pierre à l'édifice. Exactement. Entre 20 et 21, c'est le Planet Rap avec Ali. Donc je le disais tout à l'heure du live. Ali, on va aussi, comme c'est la dernière ce soir, je vais te poser un petit peu la question pour synthétiser cette semaine. Est-ce qu'il y a une chose qu'on a pu oublier de dire autour de l'album, autour des thèmes, que t'aimerais mettre en avant, que t'aimerais accentuer? Bah, ce qui était très important, c'était de parler de tous ceux qui ont participé, qui ont contribué à l'album. Donc je vais récapituler vraiment de souvenirs. Déjà, on a parlé des beatmakers, donc honneur aux beatmakers. Il y a M. Kazoo, il y a Grim Reapers, Jen Kazlou, Ouzouan, Astronaut, Stretch, Stroke, il y a 7ème degré, il y a Stenza. Donc là, j'ai vraiment fait mes petites notes pour n'oublier personne. C'est des gens qui ont énormément contribué. On a de bons souvenirs dès le départ. C'était notre première réunion. Et de cette réunion est née une bonne entente. Et de cette entente est né cet album, Que la paix soit sur vous. Déjà, on l'a travaillé paisiblement et dans l'écoute de l'un de l'autre. Et le fait de s'être réellement écouté, de s'être compris, bien sûr, entre ce qu'on a dit et le travail, il y a eu un gros travail de patience. On a eu un résultat qui est satisfaisant. Et je pense que de ma part, en tant que rappeur, en tant qu'écrivain et en tant que artiste tout simplement, et de la part des beatmakers en général, il y a une satisfaction réciproque. Ça, c'est vraiment le côté beatmaking. Et après, bien sûr, il y a le travail de mix. Je salue une fois de plus Cyril Noton, Reptile, grand monsieur. Merci Cyril, qui a une fois de plus ramené un gros travail de patience. On a passé énormément de temps à travailler, c'était très pointilleux. Et merci encore Cyril, merci à toi. Donc pour ceux qui sont intéressés vraiment à avoir un beau travail de mix, c'est un grand monsieur dans l'univers du rap et de la musique. Il a travaillé entre autres avec Renaud, il a travaillé avec aussi Flint. Donc c'est un vrai amoureux de la musique. Donc la musique est... ceux qui veulent vraiment avoir un beau travail, je les invite à travailler avec Cyril Noton, alias Reptile. Voilà, je répète une fois de plus, Cyril Noton, alias Reptile, tout simplement. Et donc gros travail aussi au niveau du mix. Gros travail aussi au niveau du mastering. J'ai travaillé avec la personne avec qui j'avais travaillé sur K.O. et Harmony. Donc K.O. et Harmony, je l'avais fait à New York avec Fred Kevorkian. Fred Kevorkian qui est francophone, donc je le salue. Merci beaucoup à toi aussi Fred. Une fois de plus, un gros travail de patience. Normalement en mastering, en général, ça va assez vite. Mastering, pour expliquer un petit peu, c'est vrai que c'est la dernière étape au niveau d'un disque. C'est pour donner un peu plus de volume, de puissance, d'homogénéité entre les titres. Un très beau travail, merci à toi Fred, merci pour ta patience et merci pour ta gentillesse et ton côté humain. Et tout comme Cyril, c'est vraiment des aventures musicales mais très humaines, je suis vraiment très content. Donc on continue. Il y a le travail de la pochette. Il y a Iwan Graphics, donc Iwan, merci à toi Iwan, merci à Samba, merci pochette à Yassine. Lumineuse. C'est ce que je lui ai demandé, je veux que ça soit vert et lumineux. Ils m'ont ramené l'endroit, la structure, je suis vraiment très content. Il y a une très belle structure, donc je continue de remercier les gens qui ont participé. Samba, Yacine, Siliba, je vous remercie pour votre contribution. Merci à toi Iwan, merci pour ta patience. Et donc voilà, c'est un album une aventure humaine. C'est une aventure humaine et aussi familiale. Je remercie Thierry Ludier pour son passage guitare. On va le réécouter là, on va débuter. Je salue avec aussi les participants, les invités. Je salue Ifi, je salue Excess, je salue le Raluciano, je salue Habib Kane. Donc merci à tous, merci pour votre présence sur cet album. C'est très important, c'est des thématiques différentes, on les verra plus tard. On va en parler aussi. Mais ça, ouais. Déjà, par rapport aux invités, merci, c'était important de les avoir. Ify, c'est mon ami, je le remercie du fond du cœur. Excess aussi, c'est un frère de cheminement. Et Laura Luciano, c'est un frère aussi de parcours. On se voit peu, on se connaît peu, mais on n'a pas besoin de se connaître autant pour savoir que le peu, justement, réflexion, c'est ça. Pour moi, Luciano, c'est un effet miroir. Quand je le vois, je me vois, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps et qui fait ce qu'il aime. Donc, même au niveau du titre, c'est pointilleux. C'est-à-dire que réflexion, quand je parle de ça avec Luciano, c'est que je vois quelqu'un et je me reconnais sur le parcours. T'es pas tout seul à avancer. Il y a des gens qui sont comme toi, qui prennent le temps et qui font ce qu'ils aiment. Habib Ken aussi, le côté soul, le côté musical est très soul. La soul que j'aime, vraiment chaleureuse. L'école de Otis Redding et de Marvin Gaye, quelque chose vraiment qui vient du cœur et de beau. Et une fois de plus, Thierry Ludier qui a ramené cette surprise, on va dire, au niveau de la guitare. Donc je te salue, je t'embrasse, Tayeb, toi, Amina et toute la famille. Et ben on va écouter d'ailleurs le morceau où il est présent dessus. C'est le morceau qui s'appelle Dialogue pour ouvrir ce Planète Rap. Que la paix soit sur vous, ça débarque lundi dans les bacs. Un monologue, adorateur du créateur, commandement 1 du décalogue. Du chemin que se poussent les démagogues. Nos gosses n'ont pas besoin de mythos mais de bons pédagogues. Pas de paix face à Gog et Magog. Mon corps vogue, l'esprit aiguisé comme Ghost Dog. Pas de ces beaucoup de tragédies à la Van Gogh. Vers la porte de l'éternité, nos destins s'engagent. Salam dans les mosquées, shalom dans les synagogues. Seuls les cœurs sincères sont ouverts au dialogue. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Salut à mes homologues, scientifiques, près des astronomes, loin des astrologues. Livre céleste, tout est écrit, de nos paroles à nos gestes, de la préface jusqu'à l'épilogue. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi avant même d'arriver ici-bas. Dès le début, Iblis nous combat. Tant de coups bas, j'encaisse en silence avec la grâce d'un boxeur de Cuba. J'ai l'art de la guerre comme un guerrier nouba. Bâtisseur de la paix d'ici à Cuba. Loin des endroits où être mauvais n'est plus un tabou. Celui que tu es devient celui qui t'abat. Le venin des hommes est pire que celui d'un mamba. Paris a le stress comme Rio à la samba. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi de l'Assemblée jusqu'au Sénat. Ni de l'ENA ni de Sciences Po. J'ai partagé les bancs avec X-Men et les sages pots. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. C'est extrait de l'album Que la paix soit sur vous, l'album d'Ali qui débarque lundi dans les bacs et toujours en précommande évidemment. L'album à découvrir ce soir encore avec un morceau inédit dans quelques minutes. On ne s'oublie pas avec Excess. Ali, un petit mot aussi évidemment sur tous les thèmes que tu développes sur cet album, ou que ce soit sur Dialogue justement, ce que tu prônes dans tes textes et dans ce morceau. Est-ce que pour aller plus loin dans le dialogue, toi aussi tu réfléchis à une autre forme d'art, alors qui peut passer par l'écriture d'un livre, d'un film? On parlait d'Abd al-Malik tout à l'heure sur son film. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Non, pour l'instant, je suis vraiment concentré sur l'écriture musicale, rap. Vraiment, c'est quelque chose que je veux approfondir, que je veux améliorer. Je suis pas arrivé au bout de ce que je veux encore, donc j'ai encore des choses que je veux améliorer. Je pense que tu peux encore améliorer. On peut toujours s'améliorer. Mmh. On peut toujours s'améliorer. Et justement, pour approfondir déjà la thématique, pour expliquer un peu les thèmes, il y a 14 titres dans l'album. Mmh. Lotus, donc par Mkazoo. Et le Lotus, vraiment, on le retrouve dans le logo de l'album. C'est une belle symbolique. C'est un thème que j'avais rapidement exprimé dans le rassemblement. Le rassemblement, ouais. Et ce que j'aime dans le Lotus, justement, c'est ce côté de ne pas s'enfoncer dans le marécage. Et donc, ce couplet, c'est un peu une métaphore par rapport au côté marécageux humain. Et donc je reprends toutes nos strates négatives en tant qu'être humain, la jalousie, la haine, la dispersion, la division, quand on parlait de division justement, et je l'exprime à travers Lotus. Donc comment ne pas s'enfoncer dans cet univers marécageux? Ça c'est le Lotus. Dialogue, c'est le morceau qu'on a écouté toute la semaine, qui a ouvert le fait le par Grim Reapers. Et ce morceau, justement, c'est le choix du dialogue ou le choix du débat. Mmh. Voilà, avec deux symétries. La vie n'est pas un monologue. Et la deuxième symétrie, on va dire l'effet miroir, mais dans l'opposé, c'est les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Donc le dialogue, déjà, il y a une amitié dedans. Et dans l'animosité, il y a véritablement le débat, on n'écoute pas l'autre. Donc il y a deux gros couplets très importants. Une dont aussi dans la façon d'écrire, dans l'adresse, on va dire, et le plaisir, parce qu'il y a aussi un plaisir à se donner. Il faut pas juste être dans un cadre de travail dur. Mmh. Voilà, parce qu'il y a aussi le côté pointilleux, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait un plaisir dedans, que ça soit agréable. C'est que je me suis fait le plaisir à chaque fois à Dialogue de ramener des rimes en hog et dans le débat des rimes en bas, tout simplement. Ça a ramené une sorte de petit plaisir dedans, un petit plus. Et en même temps, ça permet aussi un peu de pas être dans une thématique trop sérieuse, trop dure et trop crispée. Donc il y a cette petite couleur aussi au niveau de la rime qui ramène vraiment une énergie, aussi bien dans le kick que, on va dire, aussi dans l'originalité aussi de l'écriture. Après Survivant, donc c'est le fameux morceau qu'on a écouté depuis quelques temps, ouais, par monsieur Ouzouane qui est ici présent, qui nous a fait écouter aussi de son adresse dans le beatmaking. Et voilà, vraiment bonne continuation à toi Ouzouane. C'est la nouvelle génération. On a parlé de toutes les écoles d'avant, ouais. On a parlé de Dynasty, on a parlé on a parlé des beatmakers, je vais pas te couper, mais je voulais juste, comme en effet on reparle des beatmakers aussi ce soir, revenir, et on l'avait abordé hier avec Olivier Cachin sur quelqu'un d'important, sur DJ Mehdi, et je crois qu'on a un de tes choix musicaux, avant de revenir aussi sur les thèmes dans quelques minutes, un de tes choix musicaux que tu voulais qu'on passe ce soir pour lui rendre hommage évidemment. Bien sûr. À Mehdi, mais surtout parce qu'il a apporté, il a innové aussi dans cette musique. On va dire c'est une personne importante dans ce milieu, il a contribué. Et du peu que je connais de lui, des rencontres que j'ai eues avec lui, c'est quelqu'un de très gentil. C'est une bonne personne, donc c'est un hommage. C'est vrai que c'était quelqu'un, on va en parler, de quelqu'un de lumineux, c'était quelqu'un qui est extrêmement lumineux, quoi. Toujours souriant. Mmh. Chaque fois que je l'ai vu, il avait le sourire. Donc c'est le souvenir, donc il y aura un hommage pour lui. Et voilà, donc. Tu veux qu'on balance d'ailleurs peut-être le morceau? C'est un morceau qu'on était recherché sur Carlito. D'ailleurs, Carlito qui est de retour aussi dans les bacs depuis début janvier, qui a un nouveau projet qui n'avait pas sorti même un peu plus longtemps que toi, je crois. Carlito, il a son album Impact. C'est une personne que j'apprécie humainement aussi. C'est quelqu'un comme Laura Luciano qui est très en retrait, mais qui aime réellement ce qu'il fait, quoi. Et donc on a ressorti un morceau de Carlito qui est pour moi qui est un des morceaux aussi pareil culte de DJ Mehdi à la production, ouais. Et même visionnaire, parce qu'à l'époque il y avait un clip qui illustrait, d'ailleurs allez le voir, il est dispo sur le net. T'avais un clip assez visionnaire déjà de l'époque. Bien sûr, parce que avec de l'animation choix, et ce choix aussi, je pense, après ça c'est mon avis, parce que beaucoup de gens le connaissent, et je pense que voilà, Mais de ce que j'entends de ce morceau, c'est son juste milieu. Il y a vraiment eu le combat continu qui était vraiment très hip-hop. Après, il y a des titres qui ont été plus électro. Mais là, c'est vraiment une ouverture justement à une transition, mais qui représente pour les deux côtés, quoi. Pour le côté classique et le côté électro, tout le monde se reconnaît dedans. Enfin, bon, c'est mon point de vue. Et ben, on va l'écouter maintenant. Tiens, n'hésitez pas à réagir aussi. Ce morceau, c'est La Rue Cause. Et après, on reviendra évidemment sur les thèmes de l'album d'Ali qui sort lundi. J'suis en état de choc, les années me stoppent, j'passe ma route. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. Ta liberté au parloir, tu seras toujours concerné. Quand tu penses à ton futur, tu n'y penses pas qu'à moitié. Depuis maintenant toujours, je ris, j'envie les rois. J'ai toujours vu les riches, toujours plus riches que moi. On m'avait promis au bronze, mais on veut briller comme l'or. Le meilleur dans ce que tu fais jusqu'à la fin de ta vie. J'ai des trésors de souffrance, la réussite est d'esprit. Si t'as grandi dans la zone, tu sais faire de l'argent bêtement. Attention bêtement, apprends à agir sûrement. Le sens du partage, ne jamais lâcher rien l'affaire. Depuis le temps on me demande où en sont mes affaires. Si je rappe ici c'est pour mes potes, des vrais de vrai. On se la joue artiste parce que la vie c'est compliqué gros. La rue cause, la comme école cause. Vers ce qui se cause, de tout ce que t'es moi c'est te propose. Je prends ma pause, je prends ma pause de prendre de l'esprit. Tu répètes l'art comme un braqueur de vie. La rue cause, la comme école cause. Vers ce qui se cause, de tout ce que t'es moi c'est te propose. Je prends ma pause, je prends ma pause de prendre de l'esprit. Tu répètes l'art comme un braqueur de vie. J'ai eu des nuits blanches et des jours gris. Des jeudis noirs, vie de tous les jours. L'échec est un poids trop lourd à porter. Du ghetto loin du ghetto, le monde est un grand ghetto. De ceux qui gambergent beaucoup, le monde impose son veto. En prison qui disent encore une raison obscure. De l'autre côté, dans les fissures de nos murs. C'est pas le système qui gagne mais la volonté de ton cerveau. C'est caché, c'est monopole, vise le sens du vice. Tôt nos frères meurent, j'écris des vies asile politiques. Y'a plus de victimes innocentes, un verre de rang alcoolique. Là où l'amour nous réa, l'amour ne repoussera pas. Dans tous les états, je dis pardon mais je n'oublie pas. Intellectuel, j'ai dans la presse Emmanuel Décolle. Ici tu trouves tout, même ta pose a un but. Le plaisir après l'effort, rien n'a changé mon ami. L'homonino on y m'a dit ami de Miami. La rue cause, la comme école cause. Vers ce qui se cause, de tout ce que t'es moi c'est te propose. Je prends ma pause, je prends ma pause de prendre de l'esprit. Tu répètes l'art comme un braqueur de vie. La rue cause, la comme école cause. Vers ce qui se cause, de tout ce que t'es moi c'est te propose. Je prends ma pause, je prends ma pause de prendre de l'esprit. Tu répètes l'art comme un braqueur de vie. La rue cause, la comme école cause. Vers ce qui se cause, de tout ce que t'es moi c'est te propose. Je prends ma pause, je prends ma pause de prendre de l'esprit. Tu répètes l'art comme un braqueur de vie. La rue cause, la comme école cause. Vers ce qui se cause, de tout ce que t'es moi c'est te propose. Je prends ma pause, je prends ma pause de prendre de l'esprit. Tu répètes l'art comme un braqueur de vie. Voilà, le morceau à l'instant de Carlito, produit par DJ Mehdi, La Rue Cause. Gros, ça fait du bien de retrouver aussi ce morceau. Ouais. À l'instant, et Carlito est dans les bacs Impact. Il viendra d'ailleurs prochainement dans une nocturne, un vendredi soir au mois de mars. On aura l'occasion d'en reparler sur Skyrock. Ali, dans quelques minutes, on balancera et tu nous expliqueras d'ailleurs le thème de ce morceau avec Excess. On ne s'oublie pas. Exact. Ça arrive dans quelques minutes. On vous attend au freestyle de Planète Rap. Bougez pas, on revient pour la suite et la fin du Planète Rap d'Ali. Ladies and gentlemen, j'ai choisi Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planète Rap avec Ali sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap avec Ali, sortie de l'album Que la paix soit sur vous dès lundi dans les bacs. Et Ali, donc on l'a dit ce soir, surprise, il y a le live. Et il y a un morceau inédit qu'on va balancer maintenant. Exactement. On ne s'oublie pas avec XS. Alors un petit mot déjà sur XS. Bah, XS, c'est un ami de Pont-Sèvres. Mm-hmm. On devait monter à l'époque un groupe qui s'appelait Le Barrier. Où devait y avoir dedans Lunatic, Nizé et d'autres. Donc il y a plusieurs années de ça. Il y a plusieurs années de ça. Et voilà, donc c'est un, justement le thème on ne s'oublie pas. C'est déjà, je l'ai pris ça, c'est très spirituel. C'est celui qui oublie Dieu, Dieu le fait oublier lui-même. Ça veut dire qu'il a plus conscience de lui, tu vois. C'est un peu quand t'es dans des états d'oubli, de dispersion. Là, c'est vraiment se recentrer, revenir un petit peu dans la symbolique du lotus avec le alif, la transcendance et le droit et la droiture, ce qui symbolise l'être humain, tu vois. Mmh. L'être humain, c'est la seule créature sur terre à être debout. Mmh. Donc voilà, il y a les animaux rampants, il y a les les quatre pattes, mais nous sommes les seuls à être debout. Et on a, il y a les pingouins aussi qui sont avec nous, mais qui sont entre les deux. Voilà, mais dans ce rapport de transcendance, voilà, il y a cette droiture et ne pas oublier son créateur, le fait de ne pas la transcendance, d'aller du haut vers le bas, ne pas s'oublier soi-même. Et ne pas s'oublier soi-même, c'est déjà commencer par penser par son noyau dur, ses parents, sa maman, son père, ses enfants, ses voisins, ses vrais amis, ses amis véritables, et après le reste. Donc il y a un ordre ordonné dans la vie. C'est comme le soleil, il se lève tous les jours. Il y a les oiseaux, ils commencent à chanter avant que le soleil se lève, quand il y a les premiers rayons. Il y a un ordre de la vie, ça c'était rappel à l'ordre à l'époque. Donc c'est ne pas oublier qu'il y a un ordre des choses, et ce premier ordre commence déjà par son horloge biologique. On peut pas être en cohérence avec les autres si on n'est pas en accord déjà avec nous intérieurement. Donc on ne s'oublie pas, c'est ne pas s'oublier aussi et ne pas oublier l'autre. Donc il y a de la spiritualité, évidemment. C'est très lié, tu vois. Pour moi, tout est spirituel. Tu peux être spirituel dans le bon sens, vers les bonnes fréquences, être spirituel dans quelque chose de très mauvais. Tu sais, on dit, en réalité, quand tu creuses, il y a deux religions, il y a celle de Dieu et celle du diable. Donc tu peux aller vers, c'est ce que je dis dans Lotus, c'est un petit peu les strates humaines qui vont vers le bas, et t'as que la paix soit sur vous, c'est le côté positif de l'être humain, de quoi on est capable. Qu'est-ce que tu penses des gens, justement, parce que c'est toujours un énième débat ici encore en France, des gens qui sont athées, des gens qui... Je les respecte. J'avais un texte dans KO Harmony, croyons athées, nous sommes des atomes parmi des atomes, on est des êtres humains, tu vois. Voilà. Donc déjà, essayer de croire en soi et aux gens qui t'entourent. Faire le bien, c'est déjà énorme. Voilà, c'est déjà énorme. Ça au quotidien. Et donc, si tu me permets juste un peu de représenter un peu les thèmes, tu vois, on ne s'oublie pas, déjà, c'est pas s'oublier. Et pour rester aussi dans le parallèle de beatmaking, j'aimerais saluer déjà les gens avec qui j'ai travaillé pendant mon parcours. Il y en a beaucoup, j'ai fait des notes, parce que sinon, j'ai pas envie de les oublier, j'ai envie de respecter mon texte. Donc ça, c'est tous les gens avec qui, à un moment que t'as croisé. Pas tous les gens, il y en a énormément. Et je m'excuse auprès de ceux que j'oublie, vraiment. Et donc quand j'ai commencé tôt, comme Olivier nous le disait déjà, aux États-Unis, ça commence avec des phases B. Moi, c'était la même chose, je rappelais avec des phases B. Je prenais des phases B et j'écrivais mes premiers textes dessus. Ouais. Ça, c'était vers l'âge de 13 ans. Après, j'avais un groupe qui s'appelait Poème, où on faisait nos concerts avec des phases B. Après, j'ai eu des rencontres, je partais très loin. Je me rappelle que j'allais jusqu'à Bagneux des fois, j'allais à Boulogne, à Sèvres, je rencontrais des beatmakers avec qui on bossait, et c'était mes premières instrumentales. J'avais fait, je me rappelle, à Meudon, un premier concert avec mes premières instrumentales. J'en étais vraiment très content. J'étais jeune, je devais avoir 17 ans. Après, là où ça a été des rencontres un peu plus, plus sérieuses, c'était avec... Plus professionnel, c'était avec Coup d'État Phonique, Kondo et Arafat. Et en même temps, faut se rappeler qu'il y a des rappeurs aussi qui sont beatmakers. Donc Arafat, je te salue frère, je t'oublie pas. Kondo, je ne t'oublie pas. Après, j'ai Zox, tu vois, quand je te dis il y a des relations de rencontres, ça fait depuis très longtemps. En fait, Arafat, je l'ai rencontré de par Zox, c'est son cousin. Il me l'avait présenté à l'époque. Zox, on était ensemble au lycée à Sèvres. Donc, faut pas oublier les parcours aussi. Donc, on était ensemble au lycée à Sèvres, à Boulogne, excuse-moi. À Boulogne. Et c'était vraiment les années Beat de Boule. Donc Zox m'avait présenté à Arafat, à Kondo qui faisait déjà des sons. On travaillait avec des Akai, je me rappelais, c'était un bouton, t'attendais. C'était les débuts, c'était quoi les premières? C'était S0. Ah, Stretch, consultant Akai. Je crois que c'est S900, S950, je pense, les premiers. Donc voilà, c'était vraiment, là on était encore loin technique. De la MPC. On était loin de la MPC. Technique. Zox, après quand on a bossé aussi, ce qu'il faut savoir que Zox et Mélophilo aussi, c'est des beatmakers, de gros talents. Mélophilo, voilà, il avait une touche très jazzy, très jazz. Zox, jusqu'à maintenant, il a quelque chose de. Voilà, de. Très, très profondément hip-hop. Les Sages Poètes qui reviendront d'ailleurs en 2015 hein, avec voilà, un nouvel album. Donc, je vous oublie pas aussi les frères. Et après, de par Arafat, j'ai côtoyé la Clica sans faire partie du groupe. J'étais pas membre officiel du groupe, donc j'ai rencontré Chimiste, il y avait Gallegos. Et après, dans ces époques-là, j'ai rencontré Zico. Un vrai beatmaker aussi. On avait fait la fameuse mixtape avec ZIKO qui était dans le beatmaking. C'est celui qui a fait 16 rimes aussi, il faut préciser pour ceux qui savent. Exactement, bon, 16 ceux rimes. Ceux qui veulent aller se renseigner, donc n'hésitez pas à cliquer voilà, aussi. Voilà, donc fait par Zico. Après, il y a eu le fameux pré-lunatique, pré-mauvais œil, civilisé, fait par Chris Prolifique. Et l'aventure Time Bomb avec Sec et Mars. La fameuse. Le fameux noyau dur avec Géraldo. Géraldo, je l'ai rencontré bien avant Time Bomb. C'est lui qui m'avait fait rentrer dans Time Bomb parce que c'est le cousin de Mars. Donc, une fois de plus, c'est des connexions. Des rencontres. Donc, et là, le gros départ avec Géraldo. Là, c'est vraiment ça y est. Là, c'est lancé. C'est lancé. C'est le noyau dur. Et donc, un grand salut à toi, mon frère. Général, on t'attend. Stretch, qu'est-ce que t'en dis? On l'attend, Général. Voilà, on t'attend, Général. Et donc, Mauvais œil, Pas le temps pour les regrets, d'autres titres. Y a quoi dans Mauvais œil qui t'avait parlé? Waouh! Voilà, c'est la question piège. La lettre? Personnellement, la lettre. Bah voilà, bien sûr, mais c'est vrai que c'est Géraldo. Donc, voilà, une fois de plus, j'insiste. Mauvais œil, Géraldo, il est là-dedans. C'est pas juste Ali Booba, c'est Ali Booba et Géraldo. Et il serait pas là, il y aurait pas cet album. Il y aurait pas cette touche musicale, il y aurait pas toute l'aventure qu'on connaît. Donc après, on a continué aussi avec K.O. Harmony, donc la rencontre avec Fred Dudoué qu'on a rencontré en studio, qui était ingé pour des titres qu'on faisait. Il nous avait fait écouter des prods. Donc il a fait la moitié de l'album de K.O. Harmony avec Géraldo. Donc une fois de plus, c'est pas que mon album, c'est l'album de Géraldo et de Fred Dudoué. Et après, au final du rassemblement, là, j'ai commencé à ouvrir sur le beatmaking. J'ai fait des rencontres. Là, c'est Stretch. T'as été aussi bien là pour le scratch que pour le son. Si on peut parler déjà de ton son à l'époque sur. Alors, mon son à l'époque sur l'album Le Rassemblement, c'est fluide. J'ai fait des scratchs sur Tsunami. Donc, je précise bien parce qu'il y a plein de gens qui pensent que Tsunami, c'est moi. Non, Tsunami, j'ai fait des scratchs. La prod, c'est Aurelius. Aurelius aussi. De Bordeaux. Mais par contre, fluide est aussi un très beau morceau. Hein, donc, merci. N'hésitez pas à aller le réécouter. Très beau morceau celui-ci. Merci. Bon, ça fait plaisir. Tu vois. C'est vrai. Ça va pas raconter l'histoire. Non, mais c'est bien. C'est bien. Et donc ça continue. Donc là, après le rassemblement, nouvel album. Donc je resalue tout le monde. J'ai l'impression d'être. Quand tu fais tes premières radios, salut un tel. Mais là, c'est avec le cœur et c'est normal, c'est aussi une aventure. Donc à tous ceux qui ont contribué à cet album, Mkazoo, un grand salut à toi, Mkazoo, et merci pour ta patience. Merci de m'avoir ouvert les portes chez toi. Un grand respect à toi et continue, lâche pas, sois encore toi-même, frère. Grim Reapers, gros talent, c'est un autre univers, mais on a trouvé une alchimie commune. Eux, c'est un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus hardcore, mais on a trouvé un terrain d'entente. Un terrain d'entente. C'est pour aussi dire que, voilà, il y a différents beatmakers, il y a différents univers, on a réussi quand même à dialoguer, tu vois, et à se retrouver. Donc, Jen Kazlou aussi, le fameux Jen Kazlou qui est aussi dans le projet des 10 ans de K.O. Harmony. Donc, Jen Kazlou en tant que beatmaker et Junkie en tant qu'artiste graffiti. Merci à toi, frère. Et paix à toi. Hein. Paix. Ouzouane ici présent. Ouseinou. Et alors. Nouvelle génération. Nouvelle génération et une chose aussi à préciser parce qu'il faut préciser aussi le travail qui a été fait sur le terrain. T'as des beatmakers qui vont te donner 2-3 sons. Ok, c'est fait. Ouseinou. Tu m'as donné combien de sons avant qu'on. Voilà. Ouh. T'as entendu? J'ai entendu le ouh. Donné énormément de sons. Pour qu'on retienne à la fin deux titres, c'est aussi ça. Et ce rapport qu'on apprend aussi, c'est que il y a du gros travail derrière. Aussi bien en tant que rappeur, il y a plein de choses que je mets de côté. Mais merci pour ta patience. Merci beaucoup. Merci pour le travail parce que c'est pas du travail en vain. Je sais que c'est de l'énergie, frère. et astronaute, gros talent. Félicitations à toi. Comme je disais, c'est vraiment un frère homme orchestre. Il y a une basse, il y a de la mélodie. En même temps, il s'occupe du chant. Respect. DJ Stretch, mon frère, ici, mon compagnon. Ici présent. Merci. Voilà, donc représente aussi bien dans les scratchs que dans le beatmaking. Il a sa patte, il a sa couleur. Il m'a été en plus, une fois de plus, par connexion, présenté par Géraldo, par le général. Et donc voilà, on continue, on avance. Il y a Stroke qui a fait le fameux morceau avec Youssef Latif. Mmh. Et qui a fait le titre Tant qu'il est temps. Donc salut à toi aussi, Stroke. Merci. Et 7ème degré, Greg Big Lust et tout le 7ème degré, tout le collectif 7ème degré, je vous salue. Le titre s'appelle La Bonne Nouvelle. Un titre hommage aussi à un ami qu'on a perdu, à un frère, paix à son âme. Et Stenza, le frère d'Ouseinou, qui est aussi rappeur et producteur. Donc voilà, il y a énormément de gens que j'aimerais citer, tu vois. Et bon, on continuera dans un instant. J'aimerais bien qu'on mette le morceau quand même maintenant. On ne s'oublie pas avec XS. On morceau. Voilà. On y va ? Allez, c'est parti, XS. Merci. Pour Skyrock, ça sort lundi dans les bacs. Je monte les étages, marche après marche. L'amour de la mère et le respect au patriarche. Des os et de la chair comme habillage. À la recherche de la paix qui brille sur les visages. Frère, je m'écarte de la bête et j'envisage de prendre un billet pour la Mecque et de faire le pèlerinage. Depuis que je pense avec ma tête, plus personne ne m'arrête. Je vais là où je dois être et puis un jour je vais disparaître. J'aime pas trop les images, je préfère le dire direct. Je pense au village, aux gens qui demandent de l'aide, qui meurent à cause du VIH, à cause du pillage du bled. Je pense à Mamadou, je pense à Mohamed, le Mumba et Malik Chabaz. Je les respecte, mais ils ne passent pas devant les prophètes. L'islam c'est pas le Moyen-Âge ou les guerres et les conquêtes, mais tout un héritage je fais pour traverser les siècles. Frère, ne m'oublie pas. Non, je ne t'oublie pas. Frère, ne nous oubliez pas, nous on ne vous oublie pas. On ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas. Ne m'oublie pas, non je ne t'oublie pas. Sœur, ne nous oubliez pas, nous on ne vous oublie pas. On ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas. Né à Paris, noir et blanc comme mon pote d'enfance, James Parry. Rien à voir avec le Peter Pan de James Parry. Gosse précoce, enraciné à Twerga. Je n'oublie pas les rues de ma jeunesse d'ici à Rabat. Ici ou là-bas, l'amour jamais ne tarit. Fais au mama, j'ai là-bas Boubou et Sari. Avi, ravi, enchanté. Le paradis est sous le pied de celle qui m'a enfanté. Depuis le CP, le système pousse à faire des billets épais. Pendant que la terre de nos pères est pillée, laissant place à Total et BP. L'épée qui l'a fait parler en périra nous a dit JC. Je vous salue Marie, mère du Messie. La vie est belle et sacrée, pleine de péripéties. Je connais ma ville du centre à la périphérie. Les rues je les mémorise, qu'elles aient de la féerie ou qu'elles terrorisent. J'aiguise mes sens, mes souvenirs, je les thésaurise. Cohérent réseau, cœur et cerveau, foi et raison. Toujours connectés même quand nous rêvons. Frère, ne m'oublie pas. Non, je ne t'oublie pas. Frère, ne nous oubliez pas. Nous, on ne vous oublie pas. On ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas. Frère, ne m'oublie pas. Non, je ne t'oublie pas. Sœur, ne nous oubliez pas. Nous, on ne vous oublie pas. On ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas à l'instant, on exclut. Ça aussi, vous le retrouverez sur l'album lundi, l'album d'Ali. Il s'appelle Que la paix soit sur vous et ce morceau avec XS aussi. Exactement. Dans Planète Rap. Ali, dans quelques minutes, on va attaquer le live, si tu veux bien. Ça, c'est un autre cadeau aussi ce soir, le live. Mais juste avant, par téléphone, on est avec Alcapa de Valenciennes. Salut Alcapa. Ok, salut. Ça va en pleine forme ? Impeccable, impeccable, on est là. Hein. Eh bah, bienvenue. Valenciennes. Eh bah, écoute, prêt à rapper Alcapa ? Ok, y a pas de problème. On t'écoute, c'est mon pote, c'est parti, session freestyle par téléphone, on y va. Thank you. Akaba. Du fond de la cabine, ma âme cohabite, mon reflet dans la vitre de ma vie, de ma rime, de mes proches, de ma team. On s'accroche, on s'abîme, je m'endors pas sur mes acquis, à l'espoir je m'agrippe. Des tam-tams de l'Afrique, au reggae de la Jamaïque, des pas de danse de la street, au vinyle qui inspire mes lyrics. J'ai choisi la musique plutôt que toute autre influence. Sur le flux de chaque étape, j'ai mordu la poussière quand j'y pense. J'ai pas baissé ma garde, j't'ai pas pris de aussi de la scène. J'ai croisé ton regard, non j'ai pas baissé les armes en indé, je m'en sors plutôt indemne. C'est pas qu'une aventure sur chaque micro, y'a mon ADN. Entre l'amour et la haine, entre nos joies et nos peines, on lutte chaque jour, on se contente de ce que le ciel nous enfonce. On savoure, je suis passé des conneries à l'écriture, j'y ai trouvé une manière de manier cette amertume. Mais en musique, je t'ai exposé ce qu'on garde afin de ne pas exploser. Poser c'est clairement flamme, car dans le cœur, c'est l'incendie. On s'aime mais trop souvent, sans le dire, on s'enfuit avec nos sentiments. On souhaite ouvrir nos gueules, mais rien ne se passe gentiment. J'enfile pas de costume, ni de paillettes pour taire au public. Des coulisses à la scène, j'enseigne rien, je balance des périples. Mais je persévère, je suis pas à l'abri d'une perche qui me perce les veines. Et si je perds pas avec mes vers, tant pis, universel. Pour l'an que j'y ai versé dans un système où il ne cesse de nous bercer. Pour ma jeunesse qui a l'écrou, pour tous ces peuples qu'on escroque. Ma liberté d'expression ne s'arrête pas au pied de la porte. Porte. Ok, Al Capa, yeah. À l'instant de Valenciennes, en forme Al Capa, bravo à toi mon pote. Hein. Je suis une fille, man. Ah, ma pote, mais j'ai dit ma ouais, pote. Rap, on est là, on représente le rap féminin. Ah bah écoute, bah voilà, bah trop fort Al Capa. Écoute, quoi, respect hein. On peut, bah, te on peut te suivre sur le net. Sur le net, donc il y a le Facebook Al Capa. Il y a un clip justement qui sort demain. Il y en a un qui est sorti le mois dernier. Donc c'est Ma Gueule, Al Capa Ma Gueule. Et demain c'est Al Capa Libre Style. Et j'ai passé ma petite dédicace, donc je suis là Fred. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Vas-y, donc une grosse dédicace à ma famille, mes amis hein. Ici et d'ailleurs, sur Paname, dans le Nord, Lille, Valenciennes. À Nature Morte, mon équipe, AZR Collection, Arithmétique, Hanout. Et un gros big up, un gros big up à Camille et Léka, la famille. Merci à toi, Al Capa. Al Capa. Passe une bonne soirée. Juste une chose. Allô. Ouais, elle t'écoute. Yeah. Ouais, tu rappes très bien. Tu m'entends? Mmh. Ouais, je t'entends, merci. Tu rappes très bien et bonne continuation. Merci beaucoup. Et bonne continuation, petite sœur. Salut. Ciao, Al Capa. À l'instant. Yes. Salut. Le cadeau d'Ali maintenant, c'est de finir ce Planète Rap avec un live. Tu es venu avec l'équipe qu'on resalue d'ailleurs, Ali. Oui, et qu'on représente et aussi. Et qu'on représente aussi. Donc il y a Akoudi, il y a Oliver, il y a Ouzouane, il y a aussi DJ Stretch qui est présent. Il y a un peu chef d'orchestre. Stretch, il a position. Non, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Là, je pense que les frères sont organisés déjà. Donc je resalue Oliver, Akoudi et Ouzouane. Donc on y va. C'est parti, le live maintenant dans Planète Rap avec Ali. Yeah, yeah, yeah, yeah. Que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous, yeah. Que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous, écoute fils. Face aux mensonges, il faut des fois garder le silence. Mon esprit s'élance à la recherche de l'excellence. Le chemin de la guidée s'oppose à celui de l'errance. J'avance éclairé par la lumière de l'espérance. Le respect appelle au respect par expérience. J'apprends à écouter avec le cœur, car de là le parcours commence. Mon RAP aspire à la paix, comme une romance sentimentale. L'amour est monumental, mentalité de survie, ma quête est transcendantale. À chacun son train de vie, chacun sa direction. Action, les jours passent, nouveau quai, nouvelle station. Brise la routine par la méditation, manifestation. Ma voix traverse les murs sans détruire les fondations. Yeah, yeah. Mon esprit s'élance à la recherche de l'excellence. Vu le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. Réalise que la vie est un présent. À la recherche de l'excellence, vu le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. La vie est un chemin de fer, il s'agit d'être sur les rails. À chacun son terminus, à chacun ses funérailles. Enfer et paradis, sérieux est l'affaire. Espère que les anges fassent partie de mon possi. Sur le trajet, on n'oublie pas de vivre aussi. Rêve de traverser le ciel, comme vivre aussi.

beaucoup de G. Yeah, who's one? DJ Stretch, Crow. Yeah, Grim Reapers, M. Kazoo, John Kazlo. Who's one? Astronaute, DJ Stretch, Stroke, 7ème degré, Stanza. Yeah, dialogue. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Adorateur du créateur, commandement 1 du décalogue. Du chemin que se poussent les démagogues. Nos gosses n'ont pas besoin de mythos, mais de bons pédagogues. Pas de paix face à Gog et Magog. Mon corps vogue, l'esprit aiguisé comme Ghost Dog. Pas de seppuku, de tragédie à la Van Gogh. Vers la porte de l'éternité, nos destins s'engagent. Salam dans les mosquées, shalom dans les synagogues. Seuls les cœurs sincères sont ouverts au dialogue. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Salut à mes homologues, scientifiques près des astronomes, loin des astrologues. Livre céleste, tout est écrit. De nos paroles à nos gestes, de la preuve fâche jusqu'à l'épilogue. Salut à mes homologues. Yeah. Dialogue. Yeah, yeah, yeah. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Dialogue. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi avant même d'arriver ici-bas. Dès le début, Iblis nous combat. Tant de coups bas, j'encaisse en silence avec la grâce d'un boxeur de Cuba. J'ai l'art de la guerre comme un guerrier nouba. Bâtisseur de la paix d'ici à tout bas. Loin des endroits où être mauvais n'est plus un tabou. Celui que tu aides devient celui qui t'abat. Le venin des hommes est pire que celui d'un mamba. Paris a le stress comme Rio à la samba. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi de l'Assemblée jusqu'au Sénat, ni de l'ENA, ni de Sciences Po. J'ai partagé les bancs avec X-Men et les sages Po. Salut à mes homologues. Dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue. Salut à mes homologues. La vie n'est pas un monologue. Salut à mes homologues. Que la paix soit sur vous. Surtout que la paix soit sur vous. Yeah. Que la paix soit sur vous. Surtout que la paix soit sur vous. À l'instant en live. Ah, il y avait un moment particulier hein, dans le studio. C'est ce qu'on espère en tout cas voir aussi sur scène prochainement pour la suite de cette aventure. Merci sincèrement à toi Ali. Merci. Que la paix soit sur toi, sur vous tous, sur nous tous. Merci à tous ceux qui sont merci passés cette semaine. Merci Ouzouane. Merci à tous les autres beatmakers. Très très beau ce live à l'instant. Merci Ali, juste avant de se quitter, de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886, plus la PS4 qui va avec. Bilal de Bordeaux, ça va bien Bilal? Ça va, nickel, et vous? Eh ben écoute, en pleine forme avec Ali, un gros Planète Rap qui s'achève. Et toi aussi, tu vas faire tourner la roulette. Bilal, c'est parti? Y'a pas de soucis. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Magnifique, magnifique. Et ben voilà. Order 1886. The Order 1886. Et peut-être demain matin avec Vincent entre 6h et 9h, la PS4 à choper. Pour toi, merci. Nickel. Merci à toi, Bilal. Merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée. Ali, merci pour tout. Merci pour tout. C'était une super semaine. Je te remercie. L'album est magnifique. Merci. Il fait du bien, surtout en ce moment. Tant mieux. Dans ce but de rassembler, de dialoguer tous ensemble, d'essayer de se comprendre, même si on n'est pas tout le temps d'accord. J'espère que dans les temps à venir, on en a parlé, que ça va s'apaiser. Et c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci vraiment, c'était une magnifique semaine. Ali, ça sort lundi, que la paix soit sur vous. Merci à tous ceux qui sont passés une fois de plus. Bravo pour le live. Merci. Et Rancard dans les bacs dès lundi, que la paix soit sur vous avec Ali. Passez une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure pour la nocturne. Il y aura encore du son d'Ali et la nocturne 100% rap français sur Skyrock juste avant c'est la radio libre de Difool avant la nocturne. C'est parti. Ciao. Et oui, merci Fredo. À l'alcool, là, le voilà. Danger, les dangers. C'est ça, comme d'hab. Ça promet. C'est bien. T'aurais dû écouter plus l'émission cette semaine, Fredo, parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais bon, on arrive dans un instant sur Skyrock radio libre jusqu'à minuit. Tiens, on va faire la teuf ce soir. Vous allez voir l'embrouille de Cédric aussi. Les meilleurs embrouilles, on les a trouvés cette semaine. C'est la teuf ce soir. Bonsoir DJ Roro, je suis pas seul, j'ai pas remixé là. Oh là, et même DJ Roro qui est avec nous. Ah ouais, d'accord. Jusqu'à minuit, radio libre, on arrive tout de suite.